Bonjour, Céline Lyon. J'ai une question par rapport aux phases d'observation, donc la troisième phase. Donc, vous les réalisez toujours à quatre, où chaque personne suit un individu et prend donc des photos ou marque, je dirais, des informations. Alors, les reconditions de parcours, c'est ça, le suivi des personnes. Oui. Très concrètement, ce qu'on avait fait dans le cadre de cette recherche-là, c'est que, premièrement, on avait identifié des points de départ, en disant on va se poster à différents endroits de quartier, sachant que certains étaient beaucoup plus fréquentés que d'autres. Donc, une sélection de certains points qui se veulent les plus sont différents les uns des autres. Si on se trouve toujours devant l'arrêt de tram, on va avoir une grande densité de passage, et puis on va avoir des comportements un peu identiques. Donc, on va premièrement, distribuer notre propre positionnement d'observateur sur différents points particuliers du quartier. Deuxièmement, on va essayer de faire en sorte que les conditions mêmes de cette enquête-là soient diversifiées dans le temps. C'est-à-dire, c'est pas, ici, en l'occurrence, dans ce travail, on avait au moins distribué sur le matin et l'après-midi, donc dans des temporalités de journée un peu différentes. On peut le faire peut-être aussi dans d'autres conditions, mais en tout cas, distribué dans le temps. Troisième chose, c'est effectivement des suivis seuls. C'est-à-dire qu'on ne procède pas à deux. En tout cas, on n'avait pas procédé à deux, on s'était posé beaucoup la question d'ailleurs, de se dire est-ce qu'on le fait ou pas. C'est-à-dire qu'on s'était dit que ça pouvait être très intéressant aussi d'avoir quelqu'un qui restitue effectivement le comportement de la personne que l'on suit, que l'on observe, et une autre personne qui va plutôt restituer l'ambiance, ou en tout cas le contexte sensible dans lequel on se trouve, du point de vue, du son, de la lumière, tactile, etc. Donc on avait pensé à ça, et après, c'est simplement pour des questions d'économie de la recherche. On s'était dit, bon, ça mobilise deux chercheurs à chaque fois, en même temps, suivre une personne à deux, c'est encore plus difficile, etc., etc. Donc on avait, en tout cas pour l'instant, mis entre parenthèses cette possibilité-là. Ça ne veut pas dire qu'elle soit rejetée a priori, mais voilà, pour des questions un peu d'économie du travail, ça ne s'est pas fait. Voilà. Pardon, juste une dernière pour rebondir sur la réponse. Le choix des affections, régime, inclination, est-ce que c'était discuté, puisque vu que chaque personne dont suivait un individu, il n'y avait pas vraiment une discussion peut-être possible pour le choix? Alors c'est là où il y a effectivement un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on a un travail collectif sur le terrain, mais en fait à chaque fois, chaque enquêteur produit son corpus, qui devient un corpus général. Par exemple, dans la reconduction, on avait fait les suivis à 4 personnes, pas ensemble, mais séparément, 4 personnes suivies séparément, et à Genève aussi, il y avait des choses comme ça. Deuxième point, on met en forme ce corpus-là, c'est-à-dire que ces propos-là sont soit inscrits sous forme de notes, soit de commentaires enregistrés qu'on va retranscrire, donc on va avoir un certain nombre de textes. Une fois qu'on a ces textes-là, ce qui s'est passé, c'est que dans chacune des équipes, à Grenoble et à Genève, s'était distribué le travail. Par exemple, donc à Grenoble, par exemple, Rachel s'était occupée des corpus à la première personne, je m'étais occupé des corpus à la deuxième personne, Martin Leroux des corpus à la première personne, et que là, c'est là où aussi il y a un travail d'équipe, c'est-à-dire que ces modalités d'analyse et ces types de résultats étaient restitués en travail d'équipe, ou à certains moments, on avait des réunions où faisait état non seulement des corpus recueillis, mais des modalités même de l'analyse. Est-ce qu'ils sont pertinents? Et donc on mettait en discussion la manière même de lire les corpus. Merci. En fait, pour compléter la réponse de l'enquête, du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire à la fois de la mise en œuvre de la méthodologie jusqu'à la récolte des corpus et le travail d'analyse, il y a eu un retour systématique de l'équipe sur les différents. Sur les trois. Trois corpus qui ont été utilisés. Il y a toujours eu une discussion de l'équipe sur le travail de terrain. Je suis Marie-Lise. Je voulais vous dire d'abord que j'étais entièrement d'accord, en particulier avec votre conclusion. Nos actions sont une partie du monde en train de se faire. Votre citation de Tim Wolf que j'ai captée au vol, enfin du moins un fragment significatif. Je voulais intervenir sur les interprétations des comportements dans la marche en ville parler par exemple des gens pressés. Je suis d'accord sur ces catégories, on peut dire que les gens qui marchent par exemple sont pressés, mais les conditions, l'ambiance jouent beaucoup, et d'autre part la gestion des apparences. Puisque être pressé, c'est en particulier quand on est dans une ambiance très animée du centre-ville, essayer d'échapper à certaines sollicitations. Par exemple, on est fréquemment arrêté par des enquêtes sociologiques, par exemple, des gens qui nous posent des questions. Nous avons vécu nous-mêmes, les enquêteurs de Montpellier, cette situation, puisqu'il s'agissait de capter des gens à qui nous voulions demander des itinéraires à micro caché ou à caméra cachée. Et donc, c'était simplement une remarque sur ce point particulier, c'est-à-dire que vous êtes sociologue, vous connaissez donc le travail de l'ethnométhodologie sur la gestion des apparences. On fait celui qui est pressé, on n'est pas seulement pressé, mais on fait aussi celui qui est pressé, ce qui est une complexité supplémentaire dans la vie. Tout à fait. On pourrait peut-être même aller plus loin, c'est-à-dire que je crois que certains, selon les terrains, selon les espaces publics dans lesquels on se trouve, cette gestion des apparences prend des formes différentes. C'est-à-dire que dans certains lieux, on a peut-être plus le souci de l'apparence que dans d'autres espaces publics. Et que précisément, ce qu'on peut observer des comportements est aussi à mettre en perspective selon les lieux dans lesquels on se trouve. Et que là, l'enquête, pour le coup, a produit encore des effets par le protocole même, c'est-à-dire qu'est-ce que le quartier lui-même permet d'observer les conduites observables. Quelle est la part de la mise en représentation effectivement, du corps, etc. Et ça, selon le quartier, effectivement, on a des choses assez différentes. Oui. Comment ? Une même personne sur des jours différents. Oui, mais c'est là justement où les inclinations sont intéressantes, c'est-à-dire que les inclinations sont une façon, Marc pourra répondre avec moi, mais sont une façon de dire que dans toute activité de marche, il y a bien une personnalité personnelle, je marche, donc je vais quelque part, ou en tout cas, même si je ne vais pas quelque part, j'ai une orientation, une approche, bon, et que ça, ça peut procéder d'un projet personnel, je vais au marché, je vais à mon travail, ou je me promène, je me balade, je n'ai pas de but précis, mais là, parfaitement. Mais en même temps, c'est là où ça devient intéressant, sinon ce serait très plat de dire bon, ben, effectivement, on peut faire la liste des différentes occasions de marcher en ville et puis on s'arrête là. Non, ce qui est intéressant, je crois, c'est que précisément ces inclinations-là deviennent intéressantes et spécifiques quand on les rapporte au quartier, aux portions et aux ambiances dans lesquelles on se trouve. L'exemple qu'on avait choisi justement de cette vieille dame qui change d'inclination, elle a peut-être la même intentionnalité de faire ses courses, d'aller au centre-ville, mais n'empêche que selon les espaces qu'elle traverse, elle va à un moment donné avoir une attitude de prudence, on va vous traverser, et on va être très précautionneux, et puis on va poursuivre son cheminement, et dans une autre portion, on va au contraire se rendre disponible parce qu'il se passe des choses, parce qu'il y a une autre ambiance, etc. Donc là, on a affaire à une rencontre de projets personnels, et en même temps d'éléments sensibles de l'espace public qu'on est amené à traverser lors du parcours. Quoi. Et là, ça devient intéressant, président, parce que ça vécu bio-subjectif, par exemple. Oui, pourquoi bio ? Pourquoi bio ? Au sens de la chose qui est propre. Oui, oui. Plus que subjectif. Oui, moi je parlerais plutôt d'une. Ouais, c'est bon, on va jouer sur le mot, mais d'une intentionnalité circonstancielle. C'est-à-dire que c'est pas une intentionnalité ou un projet dépourvu de toute condition. L'intention du marcheur, elle est toujours modalisée, je ne sais pas utiliser le terme, c'est un terme fondamental pourtant dans ce qu'on fait, la modalisation hein, de la marche, elle est modalisée dans les conditions, les circonstances concrètes auxquelles on a affaire. Donc ce n'est pas seulement d'un point de vue d'un ressenti, c'est aussi ça, mais c'est aussi dans le type de relation qu'on établit avec l'entour, avec le milieu, voilà. Excuse-moi, Jean-Paul, il y avait une question d'abord au fond. S'il te plaît, il y a un moment là. C'est vrai que c'est toutes les inclinations qui ont pu être données. Oui, toutes les inclinations qui ont pu être des qualifications d'inclinations. d'inclination permettait de rendre compte des différentes reconductions. Alors, on n'est pas, enfin, ce n'était pas que vous aviez jusqu'à la gestion des apparences. En revanche, ce qui était intéressant, c'est que l'analyse montrait que dans des portions de territoire donné, dans des rues précises, il y avait bien des inclinations qui rencontraient de l'aménagement, qui rencontraient des individus, rencontraient d'autres personnes. Et puis, il y avait des tracés qui pouvaient aussi être similaires. Donc, on pouvait quasiment décrire le quartier, une portion de quartier, à partir de l'analyse des reconductions. C'était là aussi l'intérêt du travail que l'on faisait, qualifier à la fin les ambiances et les manières de marcher dans certaines portions de la ville. Bonjour voisin, juste au passage j'avais une question, une série de questions, mais peut-être que vous pouvez répondre. C'est que vous avez un exposé sur la marche aux cinq pieds, aux trois personnes, mais aux cinq pieds. Est-ce qu'il y a une continuité dans le régime de la marche en groupe, ou est-ce qu'il y a une rupture et pourquoi vous n'avez pas traité de la marche collective, quels que soient les groupes Et puis aussi, une autre question, c'est vous parlez de l'habitant, ce qui veut dire une certaine adhérence, une certaine appropriation. Est-ce que c'est le même régime, la marche habitant, ou la marche citadine, ou la marche d'usager? La marche au singulier, en fait, moi, je n'ai pas insisté dessus, c'est vrai qu'on n'a pas spécifié ou fait des cas particuliers, ou essayé de distinguer concrètement dans les analyses les marches individuelles de les marches à plusieurs, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les rencontre pas loin de là, c'est-à-dire que dans les trois, ou moins en tout cas dans les QNI, c'est-à-dire les deuxièmes tours de personnes, on a bien sûr aussi des données sur les personnes qui marchent à plusieurs. On a pu suivre des groupes ou des personnages, on a pu interroger des personnes qui étaient à deux ou à plusieurs, qui étaient avec leur chien, etc. Donc effectivement, je n'ai pas mis l'accent dessus, mais je suis tout à fait d'accord, je pense que ça fait aussi partie, je crois que dans les trois registre d'analyse, on a été aussi attentif au modèle, enfin, parmi les dimensions à prendre en compte, aux conditions même des interactions et des échanges sociaux. Là, oui, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai qu'on ne marche pas pareil seul ou plusieurs. Je suis absolument d'accord. Moi, attends, juste une réponse à la deuxième. Deuxième question sur. Sont affaires des habitants, des usagers, etc. Ben, précisément, dans les régimes, c'est là où on va le voir. C'est-à-dire que les personnes qu'on interroge ont des rapports au quartier extrêmement divers. Ça peut être des habitants du quartier, ça peut être des passants occasionnels, ça peut être quelqu'un qui est en visite, etc. Et que, effectivement, le propos des gens va être très très différent selon leur, en particulier, leur degré d'inscription, de connaissance, d'appropriation du quartier. Beaucoup de gens nous disaient, par exemple, on a rencontré des personnes qui disaient « Oui, moi, je viens visiter ma fille, etc. Je connais pas ce quartier, je fais un tour dans le quartier. » Ou alors des gens qui nous disaient à l'hiver « Oh là là, moi, je me souviens, il y a 30 ans, c'était pas du tout comme ça. » Ou alors « Je fais le tour des jardins parce que je sais qu'à telle époque, les fleurs sont en train de bourgeonner, etc. » Donc, on a effectivement, et c'est là où les régimes de la marche sont saisis parce que selon le type de relation au quartier, on va avoir tel ou tel régime qui va être mis en avant plus ou moins fortement. Juste, j'étais très très surpris et intéressé par le préambule, c'est-à-dire le fait qu'au départ, vous, en tant qu'équipe, vous preniez le temps de percevoir sur le lieu un peu tout ce qui vous permet de projeter, même projeter, parce que ce n'est pas seulement reproduire les catégories que vous aviez en tête par rapport à une attente, dans le fond, de la recherche. Ce qui me pose question, d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout simple de le faire, je dis ça parce que, dans le fond, quand il y a une commande et quand il y a une recherche, même au-delà de la commande, même s'il y a une perspective, en général, on a des catégories, on a des repères, des concepts, des points de visée. Et là, ce qui me paraît difficile, je dis ça parce que ça me rapporte à la manière de travailler, c'est comment on peut à un moment donné, se dire que les catégories que l'on met en place, c'est elles qu'il faudra vérifier ou celles qu'il faudra bousculer ou mettre en question ou approfondir en cours de route. Alors, je trouvais ça complètement passionnant justement de l'avoir fait. Je trouve ça très difficile à faire parce que je sais qu'à l'époque, on se pose terriblement parce que soit on va trop loin et on rentre dans une relative mise en question de la peinture. rassure même qui nous maintient, ou alors on va pas assez loin et finalement on se rassure. Alors, je dis ça pour une autre raison, c'est parce que je crois que ce travail-là est complètement essentiel. Je crois vraiment que c'est, on peut pas écouter quelqu'un sans un dialogue, et sans un dialogue avec d'autres, autant dans un rapport analytique que dans un rapport d'anthropologie. Ce qui me paraît intéressant, c'est que dans la démarche même, il y a constamment ce va-et-vient. Et je me demandais si, quand vous écoutez et que vous en reparlez, je regarde le va-et-vient, la difficulté, c'est à un moment donné de remettre en question, au fur et à mesure des étapes de ce travail, les catégories que vous avez élaborées pour pouvoir les reconstruire. Et ça, c'est pas bâtard. Si j'ose dire. Enfin, je dis ça parce que c'est pas bâtard, mais c'est pas un raconté du travail. Je crois que c'est même le fond. C'est comme ça que je. C'est vrai que sur ce point-là, c'est vrai qu'il y a aussi. Bon, d'une part, on avait des. Sinon, une grille, en tout cas, quelques orientations de départ qui étaient, qu'on essayait de poser en tant que telles. Et entre autres, parmi celles-ci, au moins là, la marche rapportée à des ambulances. Non, ce n'était pas la marche, c'est autre chose. C'est la marche, mais pas uniquement la marche. Après, et je pourrais peut-être répondre à ta question, je crois que ce qu'on essayait de faire, c'était aussi de mettre en discussion, effectivement, au sein de l'équipe de travail, les types de catégories, les types d'analyses, les grilles, etc. Et que ces catégories-là n'étaient absolument pas étanches les unes par rapport aux autres, entre ce que l'un ou l'autre pourrait proposer. C'est-à-dire qu'il y a quand même des lieux de jonction, des lieux d'articulation, quoi, qui, entre l'ensemble de ces catégories-là, de ces phénomènes-là. Et que c'est là où, effectivement, on était à même de, d'une part, de dialoguer, et d'autre part, de valider autant que possible un certain nombre de propositions qui peuvent venir de l'un ou de l'autre. À cela près, qu'en même temps, selon les terrains, les discussions peuvent être, et là encore, c'est un résultat qu'on pourrait tirer, les terrains même se mettent plus ou moins facilement dans une position d'un assentiment général sur l'expérience qu'on peut avoir, ou au contraire d'expérience problématique. Certains quartiers, bah oui, on a tous vécu ça, bah oui, c'est évident pour tout le monde. Et puis à d'autres moments, ah tiens, t'as vécu ça, moi, pas tout à fait la même chose. Donc là, on s'aperçoit que l'expérience subjective, ou en tout cas, elle rencontre l'autre et elle est mise en discussion sur un autre registre que celui simplement d'une recherche d'accord, quoi, collectif. De la fin, c'est est-ce que finalement est-ce qu'il est possible de faire un rapport de recherche ou une présentation, je sais pas, littéraire, de ce travail-là, parce que c'est une fontaine, où finalement il n'y a pas de conclusion, ou bien cette ouverture, une pluralité et ce jeu de différenciation. Je dis ça parce que dans la recherche, je suis toujours problème d'un fond d'être en face de gens qui demandent quelque chose de précis pour que ce soit scientifique, comme s'il fallait une conclusion. Alors que là, j'ai toujours l'impression que ce type de travail sur la marche, c'est beaucoup plus des questions qui ouvrent et très rarement des questions qui concluent. C'est pour ça que c'est pas du tout facile à jouer même dans le besoin. Mais ce sont en même temps des outils, c'est-à-dire à la fois transposables, mais en cours. C'est-à-dire que c'est pas une méthode qui en a non plus. C'est-à-dire que c'est une proposition de démarche qui a son intérêt, qui a ses limites, qui peut être transformé, modulé, etc. Et que je pense que selon les terrains, et on l'a bien vu à Genève, parce qu'il est sur un des terrains à Genève, on s'est vu que cette proposition-là, elle tenait partiellement. Parce que précédemment, le terrain était à ce point-là de l'ordre des résidentiels, des relations de voisinage, de l'exposition extrême au regard de l'autre, etc., que jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc voilà, pour toutes les précautions en même temps sur là-dessus, quoi. Mais peut-être qu'on peut aussi demander l'avis de Yves ou de Sophia sur ce type-là de travail, jusqu'où est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on doit faire, quoi. Les choses qui viennent de dire m'intéressent comme biologiste, qui biologiste et aussi un sentier dans la vie. Du point de vue, justement, de faire apparaître la dureté d'une expérimentation. Dans le fond, ce que vous avez fait, c'est une expérimentation. Donc pour moi, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut recommencer cette expérimentation, que d'autres personnes le fassent, qui semblent semblables, et est-ce qu'on obtient les mêmes résultats, et comment on peut se juger que ces résultats sont semblables? Ça, c'est donc ma première question. La deuxième, c'est que dans ce qui a été votre conclusion, c'est-à-dire de dire ici que les chercheurs vont, somme toute, réaliser une expérience aux côtés de la ville, avec un système qui est en train de changer. Il y a quelque chose ici qui me perturbe un petit peu, qui est que, au début de ce que vous avez dit, et je comprends très bien, l'expérimentateur est comme en biologie, malgré tout, quelqu'un qui est un intrus, qui se confronte à. Quand vous regardez un rat aux yeux rouges dans les yeux et que vous allez le tuer, vous êtes confronté à un truc extrêmement désagréable. Et ainsi, dans les manipes que vous avez faites, je crois que vous avez été confronté au début à être jugé comme un intrus. Donc je crois qu'il faut que l'expérimentateur ici, qui soit, je ne sais pas si on peut vraiment dire expérimentateur, mais si vous êtes des observateurs, et qu'il faut qu'on arrive à ce que son importance personnelle soit aussi réduite que possible, que ça revienne vers zéro. Donc dans ces conditions, il ne pourrait pas être quelqu'un qui fait des choses avec. Ici, c'est quelqu'un qui observe des événements en train de se produire, qui essaie d'y mettre de l'ordre, et par rapport au niveau culturel, au niveau des idées dans son ensemble, quelqu'un d'autre qui fait la même chose arriverait à une cohérence intellectuelle. Comment vous réagissez à tout ça? Allez, si j'ai compris, il y a deux questions. Le caractère reconductible, en fait, du travail. Est-ce que c'est pour le même terrain, pour le même terrain ou pas, la question? Parce que ce caractère reconductible, ça a déjà été testé, puisque précisément il y a eu 4 terrains étudiés selon cette démarche-là, des terrains très, très divers dans leur forme, leurs caractéristiques urbaines, etc., français, à Grenoble, Suisse, à Genève, par des équipes différentes, sur des terrains donc, en France et en Suisse. Donc, cette possibilité d'une reconductibilité a déjà été testée. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on aboutirait au même résultat si d'autres chercheurs faisaient le même travail sur le même terrain, quasiment dans la même condition? Oui, absolument. Ouais. Il faudrait tester, je ne peux pas répondre autrement. Moi, je ne peux pas vous prouver dans un sens ou dans l'autre. Je peux simplement vous dire que l'hypothèse que je ferais, c'est qu'on aboutirait en tout cas à un certain nombre de discussions qui seraient du même ordre. Ce serait mon hypothèse. Peut-être que les catégories ne seraient pas exactement les mêmes, que, là encore, il y a aussi une culture hein, de la recherche, de ce type de travaux qui fait qu'on ne part pas de rien, bien évidemment. Hein, et donc, ne partant pas de rien, on utilise un ensemble de catégories, de travaux, de concepts, de notions voilà, qui nous aident, qui nous permettent de discuter entre nous. Donc, mais je pense que, en même temps, le cas de l'infiltration, par exemple, les vertes, faites ce qu'on a fait, je suis convaincu que si vous n'êtes pas vous-même habitant d'une verte et habitant reconnu comme tel, vous allez très certainement avoir affaire à ce phénomène. Donc je répondrai un peu comme ça en disant que je pense qu'on rencontrerait de toute façon le même type de questions, si effectivement on avait la même perspective de production de résultats. Mais ça, c'est une hypothèse, il faudra le vérifier. Sur le deuxième point, vous pouvez le redire en deux mots, Oui, que, par rapport à la conclusion terminale, c'est-à-dire que c'était de dire que dans le fond, l'expérimentateur faisait quelque chose avec une ville en train d'évoluer, oui. Et que alors, ça paraissait mériter d'être éclairé plus. Alors, un autre chantier à ouvrir, qui est en train d'être ouvert, c'est effectivement, je pense que c'est l'intérêt que peut avoir un certain nombre de chercheurs au sein du CRESSON, c'est de dire que ce type de méthodologie-là, c'est pas une méthodologie qui consiste uniquement à produire des corpus ou des données de terrain, aussi diverses qu'elles soient, mais a aussi un effet sur les populations et les habitants qui se prêtent ou qui bénéficient de ces enquêtes. C'est-à-dire que prenons le cas de la deuxième personne, on s'aperçoit que le fait de demander à des habitants de commenter leur expérience de cheminement quotidien modifie leur propre regard. Donc il ne s'agit pas de parier sur, de faire le pari de neutralité de l'observateur par rapport à son objet, bien au contraire, puisque la question c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui, dans la démarche de terrain, dans ce type de démarche de terrain, et ça relève peut-être aussi la question de Jean-Yves de tout à l'heure, qu'est-ce qui, dans cette démarche de terrain, va être aussi un élément qui va modifier la perception qu'ont les habitants du terrain sur lequel on travaille. Donc, là, il s'agit aussi d'affirmer ce rôle-là, et peut-être que, où on en est maintenant, il s'agirait précisément de voir quels sont ces effets induits du travail de terrain et de les affirmer, de les reconnaître comme tels. Il ne s'agit pas de dire on a une objectivation des données, il s'agit de dire qu'est-ce qui est aussi, qu'est-ce que nous-mêmes nous produisons de la perception du quartier par les habitants qu'on étudie, mais aussi de la façon de marcher des habitants qui sont prêtés au type d'expérience qu'on leur a proposé. Mais alors là, ça suppose aussi un travail de suivi. Okay, mais on a déjà de retour. On a un certain nombre de recherches, de travaux, d'enquêtes auprès de soi, on s'aperçoit que les gens se prêtent à des techniques d'investigation qu'on leur propose, nous disent après coup, je ne perçois plus le quartier de la même manière, ou tiens, j'ai remarqué des choses que je ne remarquais pas avant, ou j'ai des habitudes quand on peut bouger, etc., etc. Donc c'est aussi un mode d'action. C'est aussi un mode d'action, et c'est pour ça, d'où aussi la citation finale d'Ingold, quand on est là en train de faire un travail d'enquête sur le terrain, on n'est pas uniquement en train d'observer un objet, on y prépare aussi la construction de cet objet, et on le transforme aussi. Bon, ça, c'est une règle basique de l'épistémologie contemporaine. Je crois, je suis convaincu que c'est le cas aussi.